Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ritac. Alors les otaku, vous êtes prêts à chausser vos crampons, à échauffer vos muscles pour une heure de musique de folie? Allez, c'est parti! Allez, on commence dans ce set avec le numéro 20. Allez, on enchaîne avec le numéro 19 à plein gaz, sorti en 1984 pendant la période du Club Dorothée. Et donc, je vous laisse avec l'opening français et japonais. Ils s'en vont à fond, à plein gaz sur leur moto, sur tous les circuits du monde. Toujours, toujours à plein. machinuo kasumete hashiru mo nakushita shita yume ga hori no shita kishimu ze kawajan no seraka omae ga oho ate namida o furita ne saigo no kabu nuketa tuelo Après le générique de À plein gaz, français et japonais, nous allons attaquer celui de Jeanne et Serge, sorti en 1987, toujours pendant la même période du Club Dorothée. Nous attaquons le numéro 17, l'école des champions, sorti en 1991 pendant la période du Club Dorothée. Cet anime était un de mes préférés pour tout simplement parce que c'était un animé de football où on retrouvait Eric, Benjamin et toute l'équipe. Donc je vous laisse à l'écoute du opening français et japonais. Et toi Passons au numéro 16, Cross Game, sorti en 2003, d'après l'œuvre de Adachi, et je vous laisse donc avec la musique japonaise. On enchaîne avec le numéro 15, Free, sorti en 2013. C'est un animé de natation et je vous laisse avec le générique japonais. On enchaîne maintenant avec le top numéro 14, Judo Boy, sorti en 1969. À l'écoute maintenant, vous aurez la version japonaise et la version française chantée par Michel Barouille. Kurenai Sanshiro. どこかで会えるだろう花を踏まずに男は進むそれが大事さ若い命の Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy, comme un samouraï. Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer, quand tu pars en guerre. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy, comme un samouraï. Judo Boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort, plus fort que la mort. De rage, s'en est allé comme un héros, mais pour te léguer son courage, il t'a donné son kimono. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, plus rapide que l'éclair, que la foudre de l'enfer, quand tu pars en guerre. Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, si l'ennemi court encore, un jour tu seras plus fort que la mort. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Maintenant, le numéro 13 du top, Baby Step, sorti en 2014, est un animé de tennis et à l'écoute maintenant, le générique japonais. Allez, on continue toujours à l'écoute de votre radio, Radio Anime. Donc, je vous lance le numéro 12 qui se nomme Major, sorti en 2004 et c'est un animé de baseball. Je conseille vivement pour les fans de Adachi ou les fans de baseball tout court. Donc, je vous laisse avec l'opening japonais et on se retrouve juste après pour le numéro 11. この声よ響けこの心。 Dans ce numéro 11, on retrouve Paul Polition, sorti en 1984, donc pendant la période du Club Dorothée, est un animé de voiture. Donc je vous laisse avec l'opening français de cette série. Et on se retrouve juste après pour le top 10. Désormais, comme vos parents, vous faites partie de l'organisation secrète de Paul Position. Luc, attention, on y va! D'accord, petite sœur! C'est au nom de la loi qu'il pousse en chevaux à vitesse qui... C'est l'heure des acrobaties! Quand tu veux, Turbo! Turbo, l'hydroglisseur! Hydroglisseur en position! Zoom, sors l'hydroglisseur, vite! Je suis à vos ordres, chef! Nous venons de rentrer dans le top 10 avec Air Gear, sorti en 2006, est un animé futuriste de sport, et voici son opening japonais. S'impose. Donc, je vous retrouve juste après cette petite page de publicité. Ici Otakuza, partenaire numéro 1 de Radio Anime. Et surtout, il fait partie de la mafia. Monsieur Yann. Non, Monsieur Otakuza. On continue avec le numéro 9, H2, sorti en 1995 d'après l'œuvre de Adachi, est un animé de baseball. Et voici son opening japonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, voici le numéro 8, Speed Racer, sorti en 1967, est un animé de voiture. Et donc, voici son générique japonais. He's a demon on wheels. He's a demon and he's gonna be chasing after someone. He's gaining on you, so you better look alive. He's busy revving up the powerful Mach 5. And when the odds are against him and there's dangerous work to do, bet your life's eraser to see it through. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! He's up and flying as he guns a car around the track. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Adventure's waiting just ahead. Go Speed Racer, go Speed Racer, go Speed Racer, go! Et on enchaîne avec le numéro 7, Elchil 21, sorti en 2005, est un animé de football américain. Et voici l'opening numéro 1, japonais. Numéro 6, bientôt le top 5. Ashita Nojo est un animé de 1976 et c'est un anime de boxe que je vous conseille énormément parce qu'il y a deux parties, deux saisons. Une saison 1 et une saison 2 que tout le monde connaît qui a été vue sur le Club Dorothée ou sur la 5 où vous voyez Jo en train de reprendre la boxe tout simplement. Et voici son opening français et japonais. Tu te bats le monde entier, c'est ta passion, c'est ta vie. Combat pour toujours triompher, toi tu cognes sans répit. Vas-y Joe, toute la foulure le ton nom Joe. T'es le plus grand des champions Joe, car la boxe c'est ta passion Joe. Toi le boxeur. Va jusqu'au bout. ぐに浮かんで消える憎い畜生の顔めがけ叩け叩け叩けおいらにゃ獣の血が騒ぐだけどルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル Zoom à tous champions. Chez dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Champion. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sœurs, on bâtira tous nos rêves. Sa foudre, Inazuma nous protégera sans frère. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout. C'est normal. Hey, vas-y, cours, et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours, et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours, et la victoire. Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Numéro 4. Ah, c'est dommage. Un peu plus, il avait sa place sur le podium. Il s'agit de Eyes of Diamond, sorti en 2013. Il compte plusieurs saisons animées que je conseille, car c'est du baseball en pur et dur. Donc voici son opening japonais et on se retrouve juste après ça pour le top 3. Going the fighting days to week see now. Butsuke aoi shunga. Shoubu sa atsui koto wo surete tomo ni go. To fight, 待ちきれないさ。出会った瞬間、視線交わす君はライバル、サイレンガナーだ。眠らせた炎、黙ってないだろう。最高のフィールドはここさ。ラミハーツ、命をかけそうさ、心と見澄ませも。So now、殻を破って。Yourself to be another issue. Going the fighting days to we see now. 向き合うその目に宿る光が本当の自分を呼び覚ましてくれる Fighting days gonna be ace. ぶつけ合う一瞬が勝負さ。熱い行動を全て共に go.一度や二度くらい砂を噛む今日もだってちょっともさ Shooting hearts 屈辱を握って熱くなる心そうこんな途中でなんか Never stop ここからなんだろう Chasing the lonely days to we see now 先行くその背中は届くても何度も弱気な自分を戦い抜こう君が待っている勝負をさ始めようか Going the my days weak see now 向き合うその目に宿る光で本当の自分が今 Sur la troisième place en médaille de bronze, nous avons Area no Kishi, sorti en 2012. C'est un anime de football que je conseille également et voici son opening japonais. Thank you. En seconde position, donc médaille d'argent, nous avons Théo ou la batte de la victoire, alias Touche, d'après l'œuvre de Adachi, sorti en 1985 en animé. Que dire de cet animé ? C'est un animé de baseball, comme vous pouvez le voir ou le comprendre. Adachi adore tout ce qui est baseball, avec Cross Game, H2, Une Vie Nouvelle, etc., etc. Et donc, voici, rien que pour vous, l'opening japonais et l'opening français de cette série. Et on se retrouve juste après pour le numéro 1, donc le grand gagnant du mois. Victoire. cherches un partenaire, tu n'es pas tout seul sur la terre. Pour gagner, tu sais ce qu'il faut faire. Le sport, c'est souvent une affaire d'amitié. Va et prends ta place auprès des autres. Défonce-toi. Tu vas, il faut t'apprendre à te défendre. C'est la victoire quand tu emmènes la bagarre. Et tout éclate quand tu offres la barre. C'est la victoire, mais il faut jouer ensemble, tous ensemble. Et le grand gagnant du mois, il s'agit de Olivier Etom, alias Capitaine Tsubasa, sorti en anime en 1983 et diffusé sur La 5, le Club Dorothée, Midi les Zouzous. Pour moi, cet anime est un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Parce que nous suivons un jeune garçon âgé de 8 ans environ, qui est très fort au football et qui veut devenir professionnel. Plus que les années passent, plus il devient fort, et surtout grâce à Roberto Cedinho. Donc pour moi, je dirais, c'est un anime à conseiller aux plus jeunes et aux nostalgiques. Et pour finir avec ce top numéro 1, je vous présente, ou réécoute, comme vous voulez, le générique français et le générique japonais. Et on se retrouve juste après cela pour les remerciements. Shoot! Some day, I'll be a superhero. droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Oli et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le gong. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Et oui, déjà, nous arrivons à la fin du premier numéro d'Oritac. J'espère que cela vous a plu. Je vous dis au mois prochain pour un spécial Sentai Metal Hero. Et on se quitte avec une reprise parodie faite par Ryodoka. Et bonne écoute, Matane. Dans la nuit, c'est un otaku qui s'enfuit. Le deathmatch cache son sourire. Otakuza va le punir. Une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit. Y'a monsieur Yann qui s'enfuit dans la chaleur de la nuit. Des mangas à l'infini. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Et le manga, ça le passionne. Otakuza ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair, il tourbillonne. Les otakas, elles apparaissent. Les autres clans, ils Otakuza, Otakuza. Comme un chasseur, il suit sa proie. Les otaku tremblent d'effroi. Quand il appelle, les otaku amènent. Personne ne reste à la traîne. Quand sa silhouette apparaît, les méchants se mettent à trembler. Ils savent qu'ils ne pourront pas échapper à Otakuza dans la chaleur de la nuit. Des mangas à l'infini. Aucun danger ne l'impressionne. Les coups durs, il les affectionne. Et le manga, ça le passionne. Otakuza ne craint personne. Lorsque les coups de feu résonnent, comme un éclair, il tourbillonne. Les attaques à peine apparaissent. Et les autres clans, ils disparaissent.